parce que la patience n'est pas une qualité que je possède. Blessé, y'a du vécu au-dessus de mes fossettes. Le bonheur n'a pas de recette, sinon je serais cuisinier. On m'a tendu le contrat de la vie sans me dire où signer. Perdu mais pas résigné, j'ai de la force dans le crâne. Quand je suis abattu, je m'efforce à foncer dans le tas. Dans le temps, les critiques me servaient de couverture. Le sucre qu'on m'a cassé dessus a nourri mes vertus. Depuis 2006, petit à petit, je cicatrise. J'utilise la zic en guise de psychiatrie. J'ai appris à être méfiant et à faire attention. À observer comme l'alpiniste avant son ascension. Y'a pas d'ascenseur pour atteindre l'étage des rêves. Je garde l'essentiel dans ma veste et je détache le reste. Le cœur accroché à ceux qui m'ont vu naître et à ceux qui côtoient plus que le cadre de ma fenêtre. Ma métaphore c'est comme la vie, elle est pas compliquée. Elle est comme un aveugle qui se sert d'un briquet. Faut pas jouer avec le feu, on peut se brûler les doigts. Comment veux-tu que je croie en Dieu, je vis pas dans les étoiles. Les pieds enracinés dans le sol et le cerveau qui décolle. Un peu d'alcool et ça donne une soirée loin des codes. J'ai divorcé avec l'école car elle m'a trompé. J'ai appris des profs que sur leurs paroles il fallait pas compter. Je crois plus aux rêves alors n'essaye pas de m'endormir. Chaque fois qu'une fille m'enferme j'essaye de m'en sortir. Tu veux des roses, je t'offre des orties. Tu veux rentrer dans ma vie, je t'ouvre la porte de sortie. Les mauvais souvenirs, je les formate comme un ordi. Je dis merci car en cas de chute la famille t'amortit. La peine m'a mordu et m'a laissé des marques. Désormais mon cœur est un atout que pour un jeu de cartes. Je voulais faire face aux problèmes au lieu de tourner le dos. Étant trop lourd, j'ai eu peur, j'opérais un bagot. Les épaules fébriles, j'ai demandé de l'aide. Mon SOS a été reçu par les gens qui m'aiment. Je déteste m'avouer vaincu, mais des fois on n'a pas le choix. Faut avouer que parfois on ne fait pas le poids. La vie m'a appris à encaisser et à serrer les dents. En étant faible, je n'aurais pu voir ce qu'est devenu le temps. De l'encre en guise de renaissance, chaque année je remets ça. Je mets les coups de blues dans un sac et j'y fous de l'essence. Je brûle les mauvais ondes de l'année qui viennent s'écouler. Ça me permet de gravir la montagne sans m'écrouler. Les rêves écroués car la poisse fait justice elle-même. À force de me coller, je vais finir par croire qu'elle m'aime. Je dirais même que parfois je côtoie sa petite sœur. Celle qu'on appelle la peine quand nos rétines pleurent. Amoché par l'acidité des larmes. Actuellement, mon regard ne reflète plus mon âme. La plupart des dames, elles le voient noir pour découvrir mon bon fond, faut traverser un couloir. Je m'ouvre pas facilement comme les cuisses de certaines. Celles qui font les anges à l'auréole en guise de serre-tête. Le goût du sexe pour rendre dingue beaucoup de femmes. Les principes et les valeurs ont fini dans les flammes. J'ai pas la flemme de parler et je compte vous le prouver. Ce que je renferme va sortir, j'en ai marre de le couver. Je vais vous faire goûter la vie et ma vision des faits. À chaque morceau que vous écouterez, j'ai des choses à dire et à manifester. Je suis qu'un artiste que la magie du rap a infesté. La poésie dans le sang, la rime au bout de l'encre. J'utilise mes sens avant de m'envoler comme le vent. Je veux que mes écrits restent dans la tête des gens. Sans devenir une légende, je veux qu'on retienne mes chants. La poésie dans le sang, la rime au bout de l'encre. J'utilise mes sens avant de m'envoler comme le vent. Je veux que mes écrits restent dans la tête des gens. Sans devenir une légende, je veux qu'on retienne mes chants. Qu'on retienne les chats.